Activité 13. À l'âge de 19 ans, Catherine Deneuve a eu un premier fils avec Roger Vadim, réalisateur disparu, en 1992. Jane Birkin a eu une longue histoire d'amour avec Serge Gainsbourg, mais elle a aussi eu une fille avec le réalisateur Jacques Doyon. Plusieurs années après son divorce avec Sylvie Vartan, Johnny Hallyday a vécu avec l'actrice Nathalie Baye et ils ont eu une fille.